tonton Miranton Mirantaine. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il reviendra à Pâques, Mironton, Mironton, Mirantaine. Il reviendra à Pâques, ou à la Trinité, ou à la Trinité, ou à la Trinité. La Trinité se passe, Mironton, Mironton, Mirantaine. La Trinité se passe, Malbrook ne revient pas, Malbrook ne revient pas, Malbrook ne revient pas. Madame Massa tourmente, Mironton, Mironton, Mirantaine. Madame Massa tourmente, si haut qu'elle peut monter, si haut qu'elle peut monter, si haut qu'elle peut monter. Elle aperçoit son page, Mironton, Mironton, Mirantaine. Elle aperçoit son page, tout de noir habillé, tout de noir habillé, tout de noir habillé. Beau page à mon beau page, Mironton, Mironton, Mirantaine. Beau page à mon beau page, quelle nouvelle a porté, quelle nouvelle a porté, quelle nouvelle a porté. Aux nouvelles que j'apporte, Mironton, Mironton, Mirantaine. Aux nouvelles